Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Ben hier, on vous apprenait en primeur que le président du hockey mineur de Dobbo-Mississigny, Danny Lavoie, aurait démissionné. L'information a été confirmée par le principal intéressé à danoisesport.com. Dans un échange de textos, Danny Lavoie a expliqué qu'il avait démissionné pour des raisons personnelles. C'est David Lamontagne qui devient le remplaçant de Danny Lavoie. Après ma période de vacances, on va tenter de rejoindre le président du hockey mineur, David Lamontagne. Maintenant, on sait que le Challenge Banque nationale s'en vient à très, très grand pas. Hier, dans une entrevue qui sera mise en ligne aujourd'hui, la joueuse probablement la plus connue, c'est Alexandra Wozniak. Alexandra Wozniak qui a expliqué évidemment que le Challenge Banque nationale, c'est toujours un tournoi très intéressant pour elle. C'est toujours un tournoi agréable de jouer au Canada. On va écouter là-dessus Alexandra Wozniak. Ouais, donc je suis toujours heureuse de faire un tournoi au Canada, surtout au Québec, comme on n'a pas la chance souvent de jouer à la maison. Fait que cette année, j'ai fait plusieurs tournois un peu partout. J'ai découvert Granby, Gatineau. J'ai joué des tournois un peu partout. Dans le passé, j'avais pas eu la chance de jouer. Fait que je suis contente de revenir à Saguenay cette année. Okay. Et dans un deuxième temps, Alexandra Wozniak nous parle que de son retour, qui est quand même un petit peu plus difficile que prévu. Ah non, parce que moi, ma situation est différente présentement. Okay. Moi, je suis revenue, j'ai eu une année de réhabilitation, de physiothérapie après ma grosse opération que j'ai eue à l'épaule. Fait que moi, j'ai perdu tous mes points, tout mon classement, j'ai recommencé à zéro. Fait que maintenant, je dois mélanger mes tournois avec des gros tournois et des tournois plus petits pour pouvoir rebâtir mon classement qui est l'objectif. Ouais. De le rebâtir. Fait que j'ai passé à zéro, à 1400, à 1200, là, je suis 319. Fait que je veux continuer à monter les échelons, mais j'ai besoin de jouer ces tournois-là aussi pour retrouver mon jeu. Mais mon jeu est de mieux en mieux. Fait que ouais. Ça me permet de jouer des matchs puis de rebâtir mon classement. C'est quoi le plus? Et en terminant, danradiosport.com, faire relâche jusqu'au 24 octobre pour une période de vacances. Donc, soyez en crainte, les entrevues et le bulletin de sport local va reprendre à cette date-ci. Sport local et régional, à danradiosport.com.